Et t'as fait comment sinon? Ouais. Et Martin, repose-toi bien, parce que t'es en vacances, t'as bientôt. Tu vas bronzer, tu n'iras comme un barbecue là, tu n'iras Martin, quand tu n'iras au soleil. Quand tu es au soleil, tu n'iras en barbecue. Ça va, tomate oignon. Et voilà. Non, l'équipe, je rigole, je rigole. Ouais, vas-y, mets son frérot. Carré, c'est carré? Ouais, ça me tire l'équipe. Et ben quoi? Ouais. Hey, MTR 100, c'est la street. Il y a tout dans le bal. Il y a DABST à midi minuit dans le dans la street. Jack Morito dans le verre. Du Dior poison dans la pomme. Il y a Doudou dans le Bex. Un bon G MTR. Ici c'est Paname. Ouais ouais. MTR la team 26. Les Boug 26. Droit au but. Par Marseille c'est Paris, c'est magique. Ouais y'a Paris, Paris jour, là. Paname c'est Paname. Marseille c'est Marseille. Pas de Marseille c'est un Parisien. Vive les Parisiens. Anti-Marseillais. Ouais, on est à 8 minutes. Martin, c'est en Marseille, ses cheveux bleus, on dirait un Stroul fait à lunettes. Yeah. Martin. Mets un micro proche de la. Martin, faut que Martin, Martin. À lunettes. C'est carré, c'est comment? Mets ton cas, c'est tout la BST, les gars. Avec Martin Mystère. Martin Mystère, il faut pêcher. Ouais. Martin, t'es bleu, on dirait un Stroul. Voilà. Pourquoi t'es tué du lit? Tu sautes du lit, on dirait un trampoline du lit, Martin. Quand c'est caliente, Martin vient, il sera épicé comme un salade tomate oignon au barbecue du soleil quand il vient pas sur terre. Martin, Martin, salade tomate oignon dans le verre, Jack bouteille, Jack Day dans la bouteille. C'est bon, c'est bon. Martin, non, t'es chaud, on dirait Facebook. Ouais. Il est 17h, on est en direct. Ouais, ouais, les tifs, t'es quoi? Ça dit quoi, ça me tient d'où? Secteur 14, ville rare. MTR. Vas-y. Ouais, l'équipe. On refait ça que j'ai fait tout à l'heure. Chaud ou pas? Chaud caca ou pas? On t'entend pas? Si, on t'entend, allez, vas-y. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Attention, les vagues Larsen. Ouais. Ouais. Attention, olé. C'est Dune qui présente. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Prêt pour une bonne après-midi ensemble, à partager des moments de joie, des moments de plaisir, tous ensemble. Nous allons commencer par des morceaux de rap, par nos amis qui sont là, chauds, bouillants, prêts à slammer, ouais, à rapper, ouais, à nous faire plaisir, à taquiner aussi. Ouais, Martin, surtout, Martin. Hein. Déraper. Martin, Martin, on appelle. Bien sûr, place. Nous aurons aussi... De la poésie de la part de Boudir Rastagal, une poétesse qui vient nous rejoindre aujourd'hui et qui va pouvoir nous lire ses textes magnifiques et nous pourrons les apprécier et rêver avec elle à travers ses mots, à travers ses paroles, la beauté de ses textes. Et je vais faire aussi un recueil de poèmes bientôt. Alors, je vais sortir un recueil. Un recueil de poèmes, alors ça c'est sublime. Pour pouvoir les lire et les relire, les contempler et rêver. Donc nous aurons le plaisir de savoir quand est-ce que ce recueil de poèmes va pouvoir sortir. À tous les amis qui sont là, à ceux qui nous écoutent. Il y a Sophie qui va faire sa chronique mystique et sexualité. Ah oui, notre chère Sophie qui est toujours là, aussi belle, aussi rayonnante, aussi espiègle, à souhait, et qui est toute belle dans sa jolie robe d'été. Il y a Jafari, le peintre aussi, qui va nous parler un peu de sa peinture. Ah, Jafari. Alors l'art ne se compte pas si on ne compte pas l'art de la peinture. Jafari, j'espère que vous êtes prêts à nous raconter de belles choses sur l'art et la manière de dépeindre, de peindre des beaux paysages. Ouais. Bienvenue à vous, bienvenue à tout le monde. Tout le monde est là, il y a une ambiance très sympathique tous ensemble. Nous allons commencer à ouvrir le bal. Ouais, est-ce que vous êtes toujours prêts? Je crois qu'il y a des gens qui sont sur le starting block. Les JO sont terminés, mais nous continuons. Nous continuons. The Banks. Tidirina, oui, qui nous a décroché énormément de médailles. Sophie, on l'écoutera tout à l'heure. Ouais, Martin. Voilà. Ah, j'ai un blaze. Do Banks. On va commencer. Donc, on va commencer, profiter de l'après-midi avec nous. Et surtout, ouvrez vos oreilles avec plaisir et délectation. Ok. Ah, vas-y, mets le son. Ouais, c'est pas accusé. T'as quoi? T'as quoi? T'as dit quoi? Posé ou pas? Attends, mon ref. Ah, non, c'est. MTR sort. MTR sort, c'est la street. Il y a tout dans le bac. Il y a les BST à midi, minuit. dans la street, Morito dans le verre de Dior, poison dans la pomme, il y a tout dans le Benz, Amonti, MTR, ici c'est pas d'âme. Ouais ouais ouais, MTR la team 26, les Bouc 26, 3 au but, pas Marseille, Paris c'est magique, pas c'est fantastique, Marseille, poisson à l'oseille, tu gagnes des oseilles. Martin, il a des cheveux bleus, on dirait Strunt à lunettes. Tragibus vert bleu, dans la bouche, on dirait un bus 616. Ouais, Martin. Dans le quartier, à Bondy, c'est ici. C'est la street avec tous les voitures. Le parquet, on dirait des cure-dents. Avec tous les numéros que t'es passé ici, à Bondy. Bondy, c'est la street d'air. À Bondy, nord, sud. Ouais. Tu roules en bolide, Merco Audi dans le Benz. Quand t'es parti à Bondy, il y avait des gens au pas de Bondy. Quand tu passes dans le parc, c'est Alice au pays des merveilles. Quand tu viens ici à Bondy, t'as des jeux de cartes qui passent. T'es un petit lapin chasseur quand tu viens à Bondy. Tu sautes comme une Ferrari, 3 km à l'heure quand tu viens par ici. Martin, tu joues du violon, mais c'est pas un vrai violon. Quand tu viens pas à Bondy, c'est Caliente. Le son que tu viens, c'est Alité. Quand tu viens en vacances, quand tu pars au Bré, au Bled. Quand tu viens au Brésil, il y a le clip de Zola et Copalade dans le clip. T'es parti là-bas, Rio de Janeiro. Et c'est là-bas que t'as fait le clip. Barta, quand t'es venu ici, t'es posé dans la street air. Quand t'es venu avec ta petite radio, quand tu viens ambiancer, c'est Caliente le son. Quand tu viens dans la batte, dans le bat 26, où il y a tous les rappeurs. Quand tu es posé, c'est Caliente. Ton son, il est floppé. Quand tu viens, tu portes des boutons. Hein. Quand tu viens pas. Métanoïaque, on va attendre notre rap. On commence les chroniques. Il fait chaud. On va arrêter toutes les guerres de l'humanité. Pas du tout. À partir de notre côté métanoïaque. Si nous nous concentrons sur l'énergie méthanogène, ouais, chacun de nous, ouais, nous pouvons apporter des armes, ouais, philosophales qui vont créer, ouais, et pas détruire. Ouais, ouais. Bon, tu peux annoncer ton nom et tout ça, hein. Tu dis qui tu es, qu'est-ce que tu vas faire, dans quelle planète et dans quel objectif. Allez, bien, c'est ok. Dans ton cul, pour y mettre ma bouteille de sirop, tu sors avec des strings. Dans le mois, parce que ça veut péter dans la soie, ça kick sale. Ils nous connaissent, enregistre, appuie sur pomme. S, c'était spatial. C'est le moment de s'en faire. Puis je vous regarde, puis je me dis qu'il y aura du monde en enfer. Il y a la caméra. Envoie du piment dans la sauce quand tu manges de la rissa. Ta bouche elle est enflammée, on dirait un drap au feu. Quand Martin il est venu à la radio. La radio avec Martin qui sort. Ouais, MDR, posé ici. Martin, on dirait je trouve pas lunettes. Quand t'es fatigué, on dirait un bourré. Quand tu dors dans la voiture, on dirait. On dirait. Un alcoolique, quand tu... Eh Martin, t'es alcoolique ou pas? Martin? Wallo. Kala chicha dans le bolide, quand tu viens pas par ici. Kala chicha dans le bolide, quand tu vas. Kala chicha, quand tu tires, ça enflamme comme des pétards. Quand tu viens, écrame en tête, coupé, décalé en. Kala chikov dans la tête, balle dans la tête, abondi, c'est la street. Quand tu viens, une balle dans la tête, ça coûte rien. Quand tu viens, écrase en tête, quand tu viens, abondi, on t'éclate. C'est la guerre mondiale, c'est la guerre mondiale. C'est la street, vert 93-140 pondu, c'est la street. Écrasement de tête, coup de pied, manchette à l'air. Comme le FUB 300 quand tu viens, on t'éclate au sol. Si tu fais malin, on t'éclate. On t'éclate au sol quand tu viens. Martin, quand tu as bondi, t'es bien accueilli. Avec le 616 qui vient de passer. Il y en a qui sont partants, hein. Ouais, on est le métanoïaque là. Merci, merci, merci. Pas vrai. Non, j'ai des textes. On va. T'as raté un texte ? J'ai des textes de poésie. Des poèmes, je veux dire. Bon, on va passer à la poésie. On va passer à la poésie. Voilà, on va passer à la section de poésie avec Buddy Rastagal, une nouvelle poétesse qui nous rejoint sur les antennes de Métanoïac de Pinote. Voilà. Et Dodo, il va mettre un peu la musique plus bas parce que. Non, je veux pas de musique, s'il vous plaît, pas d'instru. Ça reste à zéro là, voilà. Merci. Ça reste a cappella, s'il vous plaît. Viens, voilà. Ok, bonsoir tout le monde. Moi, je suis Buddy Rastagal, qui veut dire bouddhiste. Concept Rastafari, Gal, qui veut dire femme forte en jamaïcain. C'est le patois. Alors, quel doux régal. Le premier titre, c'est à dédicacer à mon fils et à toutes les mères solo de ce monde qui élèvent leurs garçons. Surtout les garçons. Tu seras un homme. Je veux pas de son, s'il vous plaît. Tu seras un homme. Tu n'as que 10 années de vie et ton parcours est digne d'un roman. Et le petit là, il veut que j'aille le sauver là, là-bas. Je t'aime et je t'ai donné tout l'amour d'une maman. Le petit là, voilà. Mais je n'ai pas la poigne d'un homme pour te connecter aux réalités que tu as ou auras en tant que jeune homme. Mes larmes coulent à l'intérieur car j'ai reçu beaucoup d'amour qui m'ont enveloppé comme du velours. J'ai croisé la méchanceté. J'ai vu la moquerie, j'ai assisté à l'injustice, j'ai cru au mensonge, j'ai eu mal dans ma peau, j'ai connu l'envie, la jalousie. Maintenant, je te souhaite le meilleur pour toi, mon fils, futur prince, qui est un grand king. Tu seras un homme. J'ai rêvé fortement d'être digne de toi, mon fils unique. Adoré, choyé, chouchouté, dorloté. La rentrée scolaire approche à grands pas. Je n'ai plus la même configuration. Ton père a fui ses responsabilités. Moi, je suis resté. Tu seras un homme. Car je souhaite que tu vois l'humanité avec un grand H. L'homme est un loup pour l'homme. Mais sûrement grâce à toi et l'impact positif que je veux que tu aies. Tu seras un homme. C'est d'être un citoyen du monde. Partout est ta place. Nulle part ne t'est interdit. Va, vis et viens. Découvre ce monde. Fais ta propre analyse et opinion. Et j'espère que de tout mon cœur et souffle de vie, que à tes 18 ans, tu seras un homme. Tu aies pu comprendre, construire tes pas. En toute conscience et confiance de l'humanité et des hommes et femmes qui t'entourent, étant petit et en grandissant, tu seras un homme, mon fils. Bye Buddy Rastagal, merci. Ouais, bravo. Et pour les mères célibataires qui ont du fil à retordre par leurs enfants, surtout des garçons. Ouais, c'est magnifique. Au texte, vous dites que vous avez un recueil de poèmes qui s'appelle « Poèmes modernes », c'est ça ? Non, qui va sortir soit en septembre, soit en décembre. On est en train de le... Ah oui. Comment on dit ça ? Le finaliser, ouais, tout ça. Le mettre en page, tout ça. Mais le titre, ce n'est pas ça. Non ? Non. Quoi le titre ? Vous pouvez c'est « Accroche-toi à mon slam ».« Accroche-toi à mon slam ». Ouais. Super. Vous savez, il y a tous les mardis à Paris, à la rue Belleville... Mon pote pilote Le Hot qui organise le slam poésie tous les mardis soirs. Ah cool, j'aimerais bien. Ouais, une fois par an, il fait aussi un tournoi de slam où il y a des gens de tout le pays qui viennent slammer. J'aimerais bien que vous veniez un jour. Ouais, il faudra me donner l'adresse. Je vous donnerai l'adresse. Ça s'appelle Culture Rapide. C'est un bar qui pilote, fait ça depuis 25 ans. Ah génial. Et il paraît que si vous dites un poème, vous avez un verre gratuit aussi. Ah cool. C'est motivant pour les poètes. Okay. Comme ça, je l'ai connu au début. Ok, mais... j'en ai un autre pour la ville de Bourg. Allez-y. Si je peux. Allez-y, prenez le temps. C'est très beau. Ok, thanks a lot. I speak also English for translation. Uh-huh. S'il y a des gens qui ne comprennent pas, je peux aussi traduire en anglais, parce que je parle anglais couramment. J'ai vécu à Londres au moins une dizaine d'années. Ah oui, ça se voit dans les grooves, il y a le côté London. Ah, poétique. Prends un micro, non, parce que sinon on n'entend rien. Moi. Comme Johan. Comme moi. Oui, comme Johan. C'est la famille. Alors... Il se nomme Bondi Town, c'est-à-dire la ville de Bondi. Uh-huh. Okay. Une ville formidable, faiseur de pépites, une vraie pépinière, un grand univers. C'est super, magnifique, esthétique, ithyrambique, jovial, loin d'être bancal. Encore moins banal, cette ville respire la joie de vivre. On s'y sent heureux, ou comme moi, heureuse, car les bondinois et bondinoises sont cool, ils sont ouverts d'esprit. Planet Live Studio accueille des superstars qui sont naturels et sans fioritures. La ville du fameux Kylian Mbappé, d'origine algérienne camerounaise. Cela fait de lui un futur lion indomptable par le Daddy Blood et la Madre Faiza. 1, 2, 3, vive Algérie. Ça nous nourrit le mindset de la jeunesse bondinoise qui cherche toujours à faire mieux. Nous sommes réellement heureux dans cette ville et environnement. Que des esprits vifs, intuitifs et indomptables. Rendons à César ce qu'il appartient grâce à Kiki. Notre ville est connue à l'international car nous avons gardé le mental. Bien à vous, Boudi Rastagal. Ouais. Bon guitar. Je vous en fais encore deux et après je te passe le micro si ça dérange très pas. Très beau, continuez. Ok. Génération XY, ciao. Boudi Rastagal. Après des séries Netflix 24 heures, voire non-stop, le jeune ado ou la jeune ado a un besoin viscéral, c'est de voir ses amis pour chatter, visionner et se remémorer des souvenirs ou des pranks qu'ils ont pu faire à leurs parents ou familles. Génération XY, ciao, cette génération que les médias appellent pantouflard ne s'intéresse qu'à devenir influenceur, youtubeur et consort. C'est parce que le monde, surtout depuis l'apparition des téléphones Android, tout le monde est connecté. Génération XY, ciao, cela crée un grand décalage avec les générations d'avant où on jouait aux billes et à la corde à sauter dehors. Nous, sociétés médias, les avons rendus fous et fourbes. Car pour obtenir la paix et l'harmonie, on les laisse tous googliser et siriser. La génération Y, ciao, est réellement sacrifiée. Car trop d'informations à la seconde tue l'information du suivant message. Ils sont apprivoisés, aseptisés et manipulés par les médias contre les adultes, de surcroît leurs parents ou familles. C'est une folie de croire que cette génération va s'autoréguler en grandissant. On fabrique des robots à la chaîne qui vont guider notre façon de penser, d'agir et de se définir. Génération Y, ciao. Les algorithmes créés vont être des outils de destruction massive pour le cerveau de nos enfants. Alors arrêtons ce vacarme et restons concentrés, concernés et responsables. Cette génération XY nous dit ciao parce qu'ils sont nuits et qu'ils sont blessés, blasés du monde et des modèles qu'on les impose ou propose. L'atmosphère est glauque, tout s'achète, on se consomme, même les relations sociales ou amoureuses se consomment. On a réussi presque à abrutir le mindset de ce qui est déplorable. La psychiatrie est pleine de la jeunesse en détresse. Que faire, quoi faire? C'est de mettre des limites, sinon cette génération XY, ciao. Nous ferons visiter un univers déshumanisé et toxique. Veuillez, parents, adultes, prendre vos responsabilités. Si la bibliothèque brûle, c'est que l'enseignement n'est pas libre. Et cette génération XY, ciao, souhaite d'être libérée et aimée, ne plus être assistée ou manipulée. Amicalement, votre Boudi Rastagal. Merci. Ouais, oh. Oui, alors, très bien. Ouais, je fais un dernier. Que j'ai. Bah, je peux en faire plusieurs, mais sinon un je dernier, fais ouais, dernier, bon, un dernier. Ça, ouais. Comme ça, on laisse la main à d'autres. Dodo, il a du mal à tenir sans mettre de la musique. Donc, on a encore un dernier là, sinon il va pas tenir. Il va pas tenir, mais le rap était bon aussi. Ouais. Donc, bravo les garçons, bravo à vous. Pas au casque, sinon tu t'en fais. Ok. C'est pour les amoureux. Et je l'ai intitulé Toxic Love. Je t'aime tellement que ça me rend totalement sick, voire folle, de devoir te détester. Toxic Love. Tu as mis la barre si haute que... De love. Excusez-moi. Ouais. Excusez-moi. Tu as mis la barre si haute que personne ne t'atteint à la cheville. Tu joues avec mes nerfs. Cela me rend encore plus dingue de toi. Je me lève en pensant à toi. Tu es dans mes pensées, mes rêves. Toxic Love. Je t'ai façonné, admiré, envié. Tu m'as détourné de mon objectif. Je buvais tes paroles, or que toi, tu jouais un rôle. Toxic Love, depuis que tu es parti, je revis. Et je prie pour ne plus être aussi manipulable qu'avant. Les temps et les gens changent à cause de ou grâce à toi. Je me méfie des gens. Toxic Love. Maintenant, j'ai 44 ans et j'ai peur d'aimer. Et surtout la crainte de souffrir. Et pourtant, il le faut. Toxic Love, sache que tu m'as enseigné l'amour de soi, la patience, l'indulgence et surtout le respect et la communication. Toxic Love, sans toi, je pense, je n'aurais pas trouvé mon curseur amoureux. Je t'aime à la même fréquence. De ce fait, la communication est primordiale. Tout ça n'est pas banal. Toxic Love est un éducateur des relations amoureuses ou sociales. Merci de t'avoir rencontré au moins une fois dans ma vie. Boudira Stagal, qui est doux régal. Merci. Ciao. Ouais, bravo. Toxic Love. Ah ouais, vraiment avoir de l'intrigue. Très bien. Vas-y. Merci. C'est Boudira Stagal. Boudira Stagal. Ouais. Qui va sortir son recueil de poèmes là. Soit en septembre. Voilà. Sur quelle maison d'édition tu fais? Je suis en auto. Auto-édition, ouais. Oui, soit sur Fnac ou Amazon. Ouais. Et c'est la librairie du centre-ville de Bondy qui va les. Les Deux Georges. Les Deux Georges, ouais. Qui est où déjà? Dans quelle rue? C'est la rue de la Société Générale. Mais ouais, juste... c'est en centre-ville, là, Bondy. Je crois que c'est Jules Guedes ou je sais plus. Ouais. Mais en tout cas, on a un projet ici dans le service de faire une petite maison d'édition. Oui, on fait à la Villette. Attends, Sophie, tu veux mettre des casques? C'est. Sorry. Des poèmes publics? Vous faites des séances de poèmes, de slam, tout ça? Oui, mais je le fais à la Villette, moi. Ah, d'accord, ok. À l'appart. D'accord. Mais. Je veux pouvoir me produire un peu partout pour que beaucoup de gens connaissent de la poésie moderne. D'accord. Et en fait, tu fais des poèmes plus sur la douleur? Non, moi mes poèmes sont sur l'amour, la tristesse, ouais, la joie de vivre et surtout sur la conscientisation des choses. Mais est-ce qu'il y en a des, comment dire, parce qu'on dirait que tu as vécu des choses assez dures, est-ce que tu as un poème sur des trucs assez positifs? Oui, bien sûr, j'en ai. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Bon, là, j'ai voulu étaler quelque chose simplement, mais j'ai des trucs avec humour, j'ai des trucs un peu plus légers aussi. Que ah, j'ai... voilà. Ouais. Ok, next time, pas de soucis. Il faut que tu changes avec elle. Est-ce que tu peux changer de casque avec Alain? Tu prends celui-là. C'est qui Alain? Tu prends celui-là. C'est moi. Okay. Oui, parce qu'il y en a des casques qui sont plus longs que d'autres. Ouais, bonjour Magali. Tu peux le garder. Ça va? Voilà. Donc, Sophie aussi, tu veux écouter un peu du casque ou pas? Attention, il ne faut pas que ça tire parce que sinon ça va. Pardon. Donc, il y a Alain qui va nous faire un peu de la musique. Des poèmes érotiques. Là, c'est pour les adultes. Oh. C'est une autre catégorie. Ah. C'est comme ça. Bon, Alain, tu voulais prendre le micro là? Moi, je voulais faire écouter une chanson que m'a suggéré YouTube et que j'écoute en boucle depuis 2 jours. Ah oui, c'est quoi alors? C'est Berwyn, Who Am I? Mais tu peux la mettre dans ton téléphone ou pas? Bah, il faudrait que je le connecte à l'enceinte et je sais pas si. Non, mais j'ai un adaptateur si tu veux. Ah, ça roule. Ça marche. Et après, sinon, tu peux nous faire un live improvisé. Hein. Allez. Il y a Magali qui va nous parler aussi de quoi. Après, tu as le temps de te préparer là. Tu as 2 minutes pour préparer ta colonne. Attends, mets-toi là. Tu peux te mettre là. Mais assieds-toi là parce que comme ça, tu. Tiens, je vais te donner un casque. Il faut un casque pour toi. Celui-là. Oui, bon. Mais mets-toi. Mais tu peux mettre ta sphère là. Là, tu as un micro. Attends. Parce que comme ça, avec les micros, on peut s'entendre mieux. Et voilà. Tiens, c'est la première Attends une seconde, que je te Marélie. Marélie, tu veux prendre ce micro si tu veux essayer ta voix déjà. Oui. Attends, t'entends. Métanoïa. Voilà. La radio qui travaille sur les différentes voix que peuvent avoir les gens selon les émotions, les moments, les saisons, tout ça, parce que l'été, généralement, tout le monde va mieux quand même. Ah oui, pas tous, mais presque. C'est vrai, au moins les plantes, ça. La chaleur. Ah, il fait chaud, des fois, il fait trop chaud. Oui. Il y a des gens qui supportent bien la chaleur, qui supportent bien le froid. Mm. Dodo, il ne supporte pas les silences, par exemple. Notre DJ, adore, mais ça va mieux, mec, hein, quand même. Voilà. Et donc, pendant que Magali va lire son texte, je vais connecter la musique d'Alain, qui était en train de parler tout à l'heure. Vas-y, Magali, t'écoutes. Ben non, moi, en fait, je voulais remettre deux écoutes sur YouTube. Ok, donc il faut préparer ça aussi. Attends une seconde alors. Mais tu voulais lire un texte avant ou pas ? Ah non, c'est non. Ça. Ok. C'est... Donc on va passer à Alain. Et tu prends une autre chaise parce qu'elle voulait parler. It's my place. Bah, mettez... il faut partager les chaises, on n'a pas assez de place. Il faut mettre une autre chaise. Mais attends, Magali, reste là, emmène-toi une autre chaise là sinon. Oui, non, mais je suis pas. Et on est là sur Métanoïa. Dune, pendant que je connecte ça, tu peux nous dire quelque chose ? Oui. Celle qui est affichée. Toi, tu as un micro là et on va y aller. Je voulais quoi ? Ça veut dire quoi là ? Non, c'est un titre que je vous donnais, mais c'est... J'espère que vous avez aimé les poèmes qui ont été lus par notre ami. Ils sont magnifiques. Ils sont des poèmes extrêmement beaux. Il y a un trafic de téléphones, de son ici, là, ça passe mais partout. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Mais Sophie, prenez un micro. Bah, elle fait des poèmes érotiques. C'est la chronique de Sophie. Elle fait des poèmes érotiques. Ah, c'est pas mal ça. Bah ouais. Je les lis ou tu les lis ? Mais t'aimes les hommes ou les femmes ? Je comprends plus à un moment donné. Non, non, non, c'est... Comment dire, c'est mélangé, c'est-à-dire ouais, que prends pas la tête. Je prends les idées d'où elles me viennent, oui. Je m'inspire et je... Tu prends les émotions d'où elles viennent. Exact. Voilà. Voilà. T'es amoureuse d'une âme. Non, non, moi je suis hétéro. D'une personne. Bon, ok. Aussi, hétéro. Donc voilà. Hétéro, happy. Bah écoute, c'est bien, hein. Je fais un peu de tout pour que... Alexandrie. Non, mais c'est bien. Donc tu frappes un peu aux gens sur internet, ils voient pire que ça, hein, t'inquiète pas. Hein. Exact. Moi, franchement, t'as des images violentes toutes les 5 minutes. Ouais, surtout les guerres et autres, ça plaît plus. Ça. Ouais. Docteur, vous voulez votre micro ou... Je vais mettre un morceau de... Comment il s'appelle ? Viens voir le docteur, donc n'aie pas peur. Un morceau de quoi ? On est en train de voir en fait quel morceau on va pouvoir mettre. Il s'appelle Berwyn. Un bon morceau de. Il s'appelle Who Am I. C'est un extrait de son premier album. Who Am I ? C'est Thierry bien groovy comme il faut. Who Am I ? Écoute là. Vas-y, vas-y. Who I am ou Who Am I ? Les arbitres en anglais. What ? Who Am I ? Qui m'a piqué mon djembé ? C'est pas grave. T'as l'air de t'ennuyer, tu fais un truc. Feel emotions and pride like a fountain pen. Cause life goes round and round again. Always round and round again. Always round and round again. It goes round and round again. Lately I've been walking into battle alone. Lately I've been talking to the man in the sky. Lately all I think about is going back home. I'm just trying to see my dad before the hour he dies. Thinking about them days I used to sleep on the floor. Bun a couple zoobies with the moon in the night. Had a couple of snakes in the crew at the time. Looking back I really wish I had a clue at the time. Lately I've been talking to the man in the sky. Thinking about it, he might be as lonely as me. Lately I've been walking into battle alone. Telling about them I'm not one to battle with me. Lately I've been talking to the man in the clouds. Thank you for the blessings you may fall from the sky. All I saw was weed, I never saw nothing else. Cause I'll never do that shit to nobody's child again. always round and round again. Yeah, yeah, yeah. Take me high and down again. Will I be the same man by the end? Always round and round again. It goes round and round again. Always round and round again. Yeah, yeah, yeah. Take me high and down again. Will I be the same man by the end? Always round and round again. Yeah. It goes round and round again. But who am I? Do or die? Cause this shit deeper than life. Scuba dive. Man, I'm here to be the guys on the losing side. Everybody losing their mind and I'm losing mine. Yeah, but who am I? Do or die? Cause this shit deeper than life. Scuba dive. Everybody losing their mind and they're on asylum. All this pressure in my life turned me to a diamond. Oh yeah. Oh, moi j'ai kiffé ça. Very nice. Bravo, magnifique. Un très beau son. Merci pour la découverte. Ouais, merci. Magnifique. Alors, waouh. C'est en anglais, plus ou moins antillais, jamaïcain, j'en sais rien. Ouais, est-ce que tu veux pas nous rappeler quelque chose à toi ou... Si, mais il me faut une instru. Ah, mais... il faudrait que tu me rendes mon portable. Il y a mis instru, là, voilà. Non, mais je vais choisir ma propre instru si ça ne dérange pas. Il faut pas oublier DJ Dodo là. Pour les ambiances musicales. C'est l'afrobeat. C'est Metanoia. Metanoïac sur Pinot en direct de Bondy. On attend qu'Alain va nous faire du rap en live. Et quoi? Les choses que tu m'as dites pour À la fin, je vais noter. Ouais. À la fin, ok. Ouais. Donc il y a Alain qui programme son prochain morceau, qui va nous faire un live. Et après Magali qui voulait nous... Magali, tu peux me donner le nom de morceau que tu voulais que je mette? Oui, c'est voilà. Le morceau. C'est là, ok. Et Jafari qui veut nous parler de la peinture aussi, monsieur Jafari. Oui. Mister Jastafari. Rastafari. Rastafari. Job feels alright. Job feels alright. Job feels alright. Job feels alright. Job feels alright. In the streets we can find the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild. All you want is the people dying in the working time. Feel peace in the washing time. Time in the time, in the time, in the time. Full wind duck in the Bible time. All the system is the Bible wine. You can find the friend, you can find the time, you can find the wisdom time. In the burning west, in the getting western, the biting right on the sighting western. Feel the western. C'est deux points de mesure là. Yeah. The style. You can find the way you want, what you want. What you want is what baby. You want. Rastafari, Rastafari. What you want, you want, you get to what you want, you got to what you want, you want, you got to get to it. You gonna get what you want, you get what you want, you get what you want, you want, you want. Sexual healing. Sexual healing. The time and the right and the timing. In the field when the right and the evil time. Bon, on a, il y a Monsieur Jafari, le peintre, qui est bravo. Là, qui fait de rap, qui hip-hop et tout ça. En direct, on a... Je savais pas, tu parlais anglais, Jafari, c'est bien. Hein. Cool. Et là, on va revenir sur Alain, qui voulait mettre un morceau. Il était un peu kidnappé par la voix de Rastafari, Jastafari, Jafari. Attends, on y va. Je vais remettre le morceau. Ouais, mais il faut que tu te verrouilles. Et il y a moyen de baisser la musique parce que deux sons en même temps, ça va pas le faire. Yo yo, DUSK dans la sub-là pour tous les oufs, pour toutes les foufs et pour toutes les poufs et pour tous les mecs oufs, on s'en bat les goûts. Yo, c'est Bolo qui se pose sur le bédo, tu vois, tu veux dire, Narvalo, Croatiavo, s'en bat les yukous, c'est pas du POPO, c'est de l'AIA, s'en bat les USK, mon gars. Yo, c'est Bolo qui dit n'importe quoi, qui est en The Far avec le beat et qui. Groupe de gras, tu vois ce que je veux redire, mon gars, mago, pas de wagon, je prends le métro, pas de ticket. Mais c'est pas grave, la contrôleuse a tiqué, elle m'a fait une fleur, tu vois ce que je veux redire, y'a pas des leurs. Et ouais, dans le trombe, le gosse, les mamas, c'est pas les leurs, tu vois ce que je veux redire, bolo, sur Zepo, qui Zepo, qui. Qui a croix de chavo avec tous les narvalos de Treuil-Mont-sous-Bois. Et ouais, t'es maman trop bon, c'est la plus cramée de mon Treuil-Mont-sous-Bois. Ouais, je dis n'importe quoi, c'est pas très de gras, je relève quand même le niveau. Tu vois ce que je me redis? Ouais, mec, je suis pas un veau, viens un repos et je nique les poulets. Poulet braisé, tu vois ce que je redis, quant aux poulets, je vais les baiser, tu vois, c'est ça, bolo, sur le tempo qui zépo, avec tous les narvalos de la croix de chavo, et j'ai jamais vu cette gecko, tu vois ce que je veux redire, donc c'est qui le mytho, ouais, c'est pas bolo, en tout cas, tu vois ce que je veux redire, mon gars, bako, y'a pas de Marlou Burger chez moi, tu vois, c'est ça, et ouais, je sais que je te cause de l'émoi sur ce vide de nécro. Et ta nécrologie, c'est logique que ta maman va la lire si tu prends à moi. Ouais, c'est ça. Attention, y'a des gars. Non, faut que j'arrête là. Tu vois ce que je redis, j'allais dire un truc de terreau ou de résistant. Des fois, je confonds parce que tu sais, les terreaux ont souvent... Les résistants ont souvent qu'à commencer leur carrière en tant que terreau dans les médias, ouais, ou les merdias. C'est un terme d'extrême de droit, mais on s'en bat les yeux coups parce que des fois la raison n'est pas là où on pense qu'elle est. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Et il arrête là parce que sinon il va se ficher, il part en truc politique. Mais tu sais que chez les Japonais, il y a 95 millions de personnes infectées par des nanorobots. Et j'espère que t'es pas vacciné, mon gars, mago, parce que sinon, bah toi aussi t'as des nanorobots. Ouais, t'es. Et ouais, as. C'est Bolo sur le tempo qui dit n'importe quoi, c'est pas très gras, c'est un style free mon gars, et il rappe pas pour que free, sinon il aurait bien échoué. Ouais, sur le rivage, la baleine a échoué, comme les ballots de coco transportés par les trafiquants en fast go. Ouais. Quelle belle impro! Bravo, bravo, bravo. Lance la musique. Alain, super. Lance la musique. Oui, Dodo qui fait DJ Dodo là, la musique. C'est lui qui fait la musique. Lance la musique. Lance un truc. Ouais, voilà, vas-y Jafari, le micro à toi. Ouais, vas-y, c'est chaud, c'est le ghetto. Ici, tout le monde s'en fout des bédos. Tout le monde s'en fout du ghetto. Qu'est-ce que tu trouves partout? On te dit toi que t'es un narvalo alors que tu te comportes comme un mec bien. On te dit que t'es quelqu'un de sensé, qui n'est pas sensé, qui n'a pas de problème, qui a des problèmes. Enfin, on te dit toi que t'es un narvalo. Pour te dire, qu'est-ce que je voulais te dire moi, c'était le comportement du fou rire. Le fou rire de n'importe quoi, de dire de n'importe quoi. Pour symboliser la gloire des temps. On te dénombre comme quelqu'un de vulgaire, comme quelqu'un de salopard. Quelqu'un qui, à sa coin de rue, fout tous les mecs en pétard. Alors qu'en fin de compte, t'as rien à craindre de personne. Voilà. Et que t'es gentil comme un ange. Ce qu'on te dit de toi, on s'en fout. Tout le monde s'en fout de ce qu'on te dit de toi. Moi, ce que je te dis, c'est qu'à la fin, il y a un terme au bout du chemin. Et qu'au bout du chemin, il y a les bobos qui racontent des radeaux sur les narvalos de Cado et de Sadomado et de Birvado et de Gadovado et de Sadomado. Jafari. Yes, it's good, c'est Rasta Bad 111. Ouais, Jafari. Tu veux être sur l'instru? Martin, laisse l'instru, je suis inspiré. Can I do it? Faut mettre un micro à côté de l'instru là. Tu veux mettre un micro à côté de l'eau-parleur? Ok. C'est Dodo qui est DJ. Oh bah. Mets l'instru. Ok, c'est mon nom de scène quand je fais du rap. Camélia MC saying something sensé. Gossip Girl. Des jeunes pisseuses qui débutent leur ébat amoureux. Une muffin quoi. Fashion de mode et des victimes des gossips. Préférant du sunshine au summertime. Mais dans son corps, libre dans son string. Observant, se laissant observer. Impulsive et lascive. Gossip Girl. Impulsive et lascive. Rédactrice triste qui mange des œufs durs pour pas grossir. À cause d'elle, nous sommes formatés à boire du thé ou du café. Meurtrie, elles vieillissent plus vite, maquillées comme des poupées. Elles se laissent tromper, égarées. Elles se retrouvent en psychiatrie et poussent un gré. Wow, gossip girl. À cause d'elle, nous sommes formatés à boire du thé ou du café. Rédactrice triste qui mange des œufs durs pour pas grossir. Meurtrie, elles vieillissent plus vite, maquillées comme des poupées. Elles se laissent tromper, égarées, se retrouvent en psychiatrie et poussent un cri. Waouh, Bodé Rastagal, Camélia MC, telling something sensé. Johan, go ahead. It's your turn, boy. Vas-y, Johan. Come on, accroche-toi. Non, c'est notre instru. C'est trop rapide alors, Gossip Girl. C'est Dodo qui est aux commandes de la musique. Bravo. Yes. Oh. Ah, j'arrive pas. Pourquoi ton micro déjà tient? Oh. Wow. Une autre. Plus love. Un peu love, ouais. Un peu de soul. Soul love. Marie, j'ai trouvé pour après. Hein. Après, c'est toi. Ouais. Celui-là, zombie de Maître Gims. Non. Ouais, je veux. T'as du 50? C'est pas vrai. Elle est là, cette body Chanel. Comment je la vois? Non, c'est trop doux. Adjim, c'est trop doux là. Trop doux. Romain, là, c'est ce que Adjim a fait là. Ah, il est pas mal cette là. Rihanna, c'est ça? Attention, le micro, il ne reste pas grand chose, les amis. Tenez bon pour la main. Sweet girl. Oh. Attendez. Bien. Bébé m'a quitté, c'est vrai. J'ai pris peur. Pourquoi cette gueule a fait ça? ça devant moi. Moi je voulais que ton bonheur bébé violent tu vois. J'ai pas le flow de Rihanna, moi c'est qu'un mère d'Africa, ouais. Ensemble avec Carole, ouais, ouais. Sola, Gimi. Sola, Gimi, j'te fais du sale, violent, gueule. T'es pas de taille face à moi, reviens. Reviens tout près de moi, ma lady, chérie Coco. Coco, Coco. Ok, fragile, j'ai été modelé à l'argile, choyé par mes deux parents fragiles. Qu'est-ce qu'on dit de nous les Nubian topless, sans stress, des réelles princesses, fragiles, mais pas dociles. Inutile de vous attarder sur mon style, j'écris ce que je vis, prudente, mais pas arrogante, dévouée, mais pas aliénée. Fragile, fragile, ces sociétés nous déboussolent. Parfois le sentiment d'être à part comme une folle qui doit jouer un rôle. Fragile, fragile, fragile, sensible, lunaire, rêveuse, pas nerveuse pour un sou. Une vraie belle go nous dit ciao. Fragile, cette société nous déboussole. Parfois le sentiment d'être à part comme une folle qui doit jouer un rôle. Fragile, épicurienne, épanouie, on s'ennuie pas avec toi. Toujours dans ses propres combats, ses proses combats qui fait débat. Actuellement libre dans sa tête. Ouais, ouais. Yeah man. Fragile, toujours prête à faire fragile, la fête. Ouais, comme ouais, une viole, j'ordonne et m'abandonne à toi, fragile. Fragile, agile, de mes mains, on fragile, apprend. On aura triste, pleine de caprices. Fragile, sans état d'âme, je fragile, préfère rester ouais, une grande dame. Fragile, ouais. Fragile, qui fédère sur tous les sujets, go égal libre, ivresse d'amour, sagesse amoureuse. Fragile, lucide et formidable, comme une tulipe rouge, coquelicot, t'es beau la météo. Fragile, prudente mais pas arrogante, dévouée mais pas aliénée. Cette société nous déboussole, parfois le sentiment d'être à part comme une folle qui doit jouer un rôle. Fragile, fragile, sensible, lunaire, rêveuse, pas nerveuse pour un sou. Une vraie belle go vous dit ciao. Fragile, fragile, épicurienne, épanouie, on s'ennuie pas avec vous. Fragile, toujours dans vos proses combats qui fait fragile, débat actuellement libre dans sa tête. Fragile, fragile, yeah, yeah, yeah. Fragile, fragile, Damien, c'est fragile, fragile. Ouais, super, merci, merci. Merci, merci les amis, merci. On va mettre une musique, tu peux baisser. Parce qu'il y a Magali qui va mettre une musique de William Burroughs et qui va lire sa... Attends, y a... c'est pas grave, ça fait très... Attends, je vais voir si ça marche ici. Tac. Normalement, ça... Alors, le savon Marseille, c'est un produit efficace, bon marché et naturel. C'est toujours la produit cosmétique bio, les rubriques cosmétiques bio. pour rappeler qu'à Marseille, on fabrique du savon depuis près de 9 siècles. La savonnerie est donc passée du stade d'artisanat à celui d'industrie. Et avec les machines à laver des lessives à poudre, il y a eu un peu moins d'intérêt. Mais le regain pour les produits naturels fait de nouveau aimer ce mélange d'huile d'olive et de soude. Les produits sont amalgamés à feu doux, puis cuits pendant plusieurs heures, toujours dans un chaudron. Et ensuite, la pâte est lavée à l'eau froide pour éliminer les impuretés. Le savon de Marseille contient 72% de graisse, réduit en fin coupeau, fondu dans une eau chaude avec du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude. Il devient une lessive super, sans colorant et sans parfum. Le savon de Marseille peut aussi faire nettoyer, briller les carrelages et les revêtements de sol plastifiés. Il est doux pour le corps et aussi pour le visage. Il peut être utilisé en shampoing et même en dentifrice. Voilà pour le savon de Marseille, efficace, bon marché et naturel pour faire plein de choses dans la maison et pour prendre soin de soi. Fin de la rubrique cosmétique bio. Merci. Attends, ouais, merci. Merci beaucoup. Attends, il n'y a pas ta voix, elle n'est pas comme on devrait la voir sortir. Mais c'était super, Magali, merci. Merci, Magali. On peut faire, comment dire, comment vous avez appelé ça tout à l'heure. Attends, je parle, j'entends pas quand je suis au casque. Si vous parlez, mettez au casque, sinon on n'entend rien. On peut faire le sujet. Ouais. Y a, on va, attends, tu voulais dire quelque chose d'une? Non, je crois que tout est dit. Bon, on va passer à la chronique. Ouais, voilà la chronique. Comment vous appelez la chronique, Sophie, votre chronique? La chronique, pour l'instant. La chronique des chroniques. Voilà. Mais quelle chronique de Sophie. Ouais, yeah. Voilà. Bah, tout à l'heure, Kadra et moi parlait d'un truc. Ouais. Hey, mais toi, t'es chaud aujourd'hui. Tout à l'heure, on parlait d'un truc, Kadra et moi. Ouais. À l'impro. Bah, on se disait qu'on tombait que sur des hommes qui ont envie d'être le centre d'intérêt dans une relation, okay. Et que la relation va à sens unique, ouais. Et qu'on en avait marre de jouer les infirmières, qu'on voulait un peu que les hommes prennent soin de nous plutôt que de jouer les psychologues. Donc voilà. Je pense qu'à l'envers c'est aussi le cas des fois. Hein. J'ai entendu aussi ça des amis qui disent qu'ils trouvent des femmes qui veulent s'en sortir. Qui ont l'ascendant sur leur petit copain. Ça ouais, existe, ça existe. Hein, bah oui, moi j'en connais une. D'accord, ok. Elle gère son homme et le tabasse. Ah ben bah, génial, présente-la moi, que je me joigne à elle. Donc voilà, non, on tabasse à deux, donc voilà. C'est une jeune aussi. On a une. Donc voilà. Ben bah, écoutez, docteur, ça donne quoi quand une femme a l'ascendant sur un homme? C'est quoi être, avoir l'ascendant? Le manipuler, avoir possession de son âme. C'est tordu. C'est hyper tordu, hein. C'est le toxic love. Et vous pensez qu'il y a des hommes qui aiment ça, qu'on ait possession de leur âme? Il y a des masochistes. Ouais. Il y a des saviques. Il y a tout. Ou alors il y a des hommes qui aiment, je veux dire, avoir une reine. Ouais, oui, maman. Oui, maman, je dirais plutôt ça. Ouais, mais moi je suis une amante, docteur. Moi je pèse. Donc moi, à un moment donné, je peux plus, je peux pas être les deux. Donc voilà, moi je suis une amante. Hein. T'es quoi toi, Dune? Entre pas dans ta rubrique, s'il te plaît. D'accord, ok. Je suis neutre dans donc, ce truc. Moi je suis une loveuse. Ouais, mais toi t'es une loveuse. Moi mais je toi, suis tu tabasses un peu les hommes ou pas? Pas du tout. Au moi, contraire, je suis pour que l'homme guide parce que c'est lui qui a le pénis. Hey, mais t'es deux. Ouais, c'est vrai qu'il y a des petits-enfants ici. Alors moi, je suis désolée, la féministe que je suis va expliquer qu'en fait, c'est parce qu'il y a un pénis qu'il tu connais quelqu'un qui tabasse son mec. Domination masculine. Bien sûr, dans mes entourages en tout cas. D'accord, ok. Mais elle a 30 ans, elle est jeune. Donc et lui, il a quel âge? Il a 25. Voilà. Ah, oh, mais c'est facile de tabasser un mec plus jeune que toi. Non, mais c'est son petit copain. C'est pas. Ils font beaucoup de choses ensemble. Ouais, je sais, mais elle est plus vieille que lui. Donc elle connaît plus de choses que lui. Elle peut plus le manier. C'est ça. Il est plus maniable. Exact. Bah ouais, c'est logique. Et il a pas envie de se sauver quand il prend des claques? Non, il adore ça, il a dit. Il est devenu maso à cause de maso, parce qu'il est amoureux. Ou c'est parce que c'est tabou chez les hommes? Non, il est piqué. Oh, quand il est piqué, il accepte tout. C'est pas vrai. Ouais, oui. Ils se droguent un peu tous les deux. Oui, oui, ils font des choses. Ah bah voilà, c'est ça. Quand... Mais quand la drogue est part, quand ils redescendent sur Terre, ça fait quel effet? Je pense qu'ils se voient différemment. Bah c'est ça. Vas-y. Quand la drogue, l'alcool, tout part, tout ce qu'on a pris, les effets illicites. Et tu te regardes, tu te dis attends, c'est qui ce que je fais là quoi. Exact. Tu vois, donc, mais voilà. À lui, il est enfant unique, il explique que. Non, il a besoin de beaucoup de gens autour de lui parce qu'en enfant unique, tu t'ennuies. Donc, bon. Donc en fait, comme dit Martin, elle joue le rôle de la maman, on va dire. Exact. Elle lui donne des coups, elle l'instruit. Voilà. Bah, juste elle lui fait une école. Bah, j'espère qu'il va pas se barrer avec une autre par la suite. Bah, il m'a dit qu'il a la possibilité de le faire, mais il le fera pas parce qu'il est piqué. Il le fera pas pour l'instant parce qu'il est pas prêt. Il veut toujours avoir un pied chez sa meuf pour venir la niquer une fois de temps en temps quand il a l'opportunité. Quand il aura fait son gosse avec l'autre femme. Ah, en tout cas, lui, il a 25, elle en a 30. Ouais. Martin, il est complètement... Il l'aime, et voilà. Quoi. Bon, bah d'accord. Ouais, écoute, merci si elle a Sophie besoin d'aide pour ses conneries... Chronique. Non, je parle des conneries, je sais pas pourquoi, c'est chronique. La chronique des chroniques. Ouais, voilà. Si elle a besoin de renfort pour le tabasser, écoute, moi, je veux bien venir, hein, parce que moi, j'en ai marre. Vous parlez de quoi? Avant, je tabassais un gars, je le vois plus, donc... Elle parle de... tabasser dans... Vas-y, on a une minute, les gars. Dans le sexe, et je le vois plus, et donc je me fais chier. C'est Sophie qui a sa chronique. C'est la chronique de Sophie. Ouais. Voilà. Sexualité et spiritualité, c'est ça hein c'est, où ça, spiritualité Au début, c'était ça. J'ai dû dire que je me tabassais le gars. Oui, des fois, c'est trash chez vous, mais bon, des fois, non. Je connaissais un gars qui aimait me lécher les pieds. Je sais plus ce qui devient celui-là. Je m'emmerde. Fétichisme. All right. Chas Poulier qui disait en fait, c'est qu'ils aiment bien lécher les pieds. Il faut se joindre avec les gens qui aiment bien se faire lécher les pieds. C'est ça. C'est non, mais moi, je lèche rien, moi, docteur. Bah, vous, ça va bien. C'est moi la muse ici. Donc, voilà quoi. Bon, alors les gars, vous voulez faire un dernier morceau là? Ah, c'est bon ce que j'ai dit. 18h, on est fini. C'est Radio Métanoïa. Ouais. Quand j'ai dit, je lèche rien, c'est moi. Un musique. Dernier son. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, mets le beau gosse. Mets une instru un après, peu. On fait une pause un peu. Du live pendant 2 semaines. Ludia Vandross, All My Love. Doudou. Mercredi prochain. Vous connaissez ou pas, docteur? Gazo un peu. 4 septembre, je vais mettre. Je vais chanter un son de gazo là. Vous m'avez jamais aimé. J'ai toujours voulu mettre de la musique, vous avez jamais mis ce que j'aimais. Je voulais mettre Luther Vandross, All My Love. Tu téléphone et me l'a donné? Ah bah non, je vais donner à lui. Voilà. Vous avez. Voilà. Toc. Bon, il est 18h, on va dire au revoir. Parce que c'est fini. Non, je veux vous faire dernier un son, dernier petit, son. Un petit texte. Dernier son. Spécial dédicace aux jésuites. Rendez-vous. Voilà, c'était la minute. Attends. La minute spirituelle. Spécial dédicace aux jésuites. Vas-y. Bon. Allez-y. Je commence. C'était la minute. Ouais, spécial dédicace aux jésuites. C'est bien, ça, ma chérie. Ok. Le temple, il est fermé. C'est je m'emmerde. Ouais, mais là, il y a. Le live est fini. Non, par rapport à William S. Burroughs, la lecture de poèmes chantés qu'on a écouté sur Sperasani par William S. Burroughs, il dit What they mean is that they want more money. I am not paid to listen to this dribble. Who wants to be the richest man in a cemetery? Wow, merci Magali. Voilà, merci, c'est pour le côté plus que rien de profiter de la vie et de pas attendre. Carpe diem. Déshabille-moi pour être heureux. Arrête, tu me plais bien, bébé. Reste près de moi. Semaine prochaine, Métanoïaque. Métanoïaque. Bye bye. C'est bouddhiste, Carpe diem.